C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Otaru. Il vit sur une planète, la planète japonaise. Un jour il tombe dans un trou abandonné. Et là il rencontra une machine bizarre. Elle s'appelle Live. C'est une marionnette qui adore le combat. Et Otaru aussi. Puis un peu plus tard, il y en a deux autres qui débarquent aussi. Sabulma, Ryomeji, SFG. Combattre les méchants, c'est devenu un jeu. Avec Lime, Blood, Belly et Jenny, Mitsurugi, le bouffon de service, qui est le pote Otaru. À certains moments, ouais, le méchant force veut contrôler tout l'univers et toute la galaxie. Mais heureusement, malgré ses sabords d'eau, Otaru va l'en empêcher. Sabulma, Ryomeji, SMG. Va y avoir du fight dans l'univers et de toutes les sabots marionnettes. Il y a Zen qui s'appelle Lime, c'est une marionnette qui adore le combat. Et Otaru aussi, un anime comique, un grand coup de fric va débarquer ici.